ce n'est pas rien. Aujourd'hui, l'attentat de la rue des Rosiers en 1982. Vous avez entendu pendant le récit la phrase suivante. Le juge Trévidic relance l'enquête cette année. Eh bien, parce que la première diffusion de cette émission a eu lieu en 2015, et le juge Trévidic a relancé l'enquête en 2015. Et puisque nous sommes encore en période de rentrée, j'en profite pour vous rappeler le mode opératoire d'Affaires Sensibles. 3 émissions en direct par semaine, une fiction le vendredi et une rediffusion, une seule par semaine. D'abord pour actualiser des histoires que nous avions racontées, c'est bien le cas aujourd'hui, et aussi avec un invité qui, en revanche, est un nouvel invité en direct pour un nouveau regard. Et ce nouveau regard, ce sera le vôtre aujourd'hui, Vincent Gautrenot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au Parisien. Vous êtes l'auteur, avec Jérémy Famelet, de l'article paru le 8 août dernier, justement, sur la révélation d'un accord tacite entre les services secrets français et le groupe terroriste à Abou Nidal. En d'autres termes, c'est vous qui avez sorti l'info. Alors, tout d'abord, pourquoi l'avez-vous sorti, cette info, ce 8 août dernier, alors que Yves Bonnet, ancien patron d'ADST, donc les services secrets intérieurs français de l'époque, avait déclaré au juge d'instruction Régis Pierre, en janvier de cette année, avoir passé ce pacte avec le groupe Abou Nidal il y a 37 ans. Donc il y a un delta, là, un délai entre ce que apprend le juge en janvier et ce que nous, Français, grâce à vous, apprenons plus tard, 8 mois plus tard. Pourquoi ce délai ? C'est tout simplement parce qu'en fait, on s'est mis à travailler sur l'attentat de la rue des Rosiers pour préparer un papier le jour de l'anniversaire de l'attentat, parce qu'on avait appris qu'il y allait avoir une cérémonie organisée en hommage aux victimes 32 ans après. Et c'est en travaillant sur cette cérémonie, en contactant des gens, qu'on a appris que Yves Bonnet avait été pour la première fois entendu par un juge d'instruction. Comme quoi il faut fouiller, hein. C'est en fouillant qu'on trouve. Alors, qu'est-ce que c'est cet accord? Qu'est-ce que la France a y gagné? Bon, plus d'attentats. Parce que qu'est-ce qu'il dit l'accord déjà? On le rappelle. Yves Bonnet, très clairement, quand il est devant le juge d'instruction en janvier dernier, il dit, on a passé une sorte de deal verbal en leur disant, il parle des terroristes d'Abu Nidal, je ne veux plus d'attentats sur le sol français, en contrepartie, je vous laisse venir en France, je vous garantis qu'il vous arrivera rien. Donc en clair, il dit à un groupe terroriste, vous ne risquez rien si vous venez en France, si vous arrêtez de commettre des attentats sur notre sol. Et est-ce qu'on sait comment sont passées ces tractations? Est-ce que ça a été un accord proposé, immédiatement accepté? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on le sait par les déclarations d'Yves Bonnet, après il faut avoir foi en les déclarations d'Yves Bonnet ou non, mais ce que dit Yves Bonnet, c'est qu'en fait c'est à l'invitation d'amis autrichiens qu'il rencontre les membres d'Abu Nidal, pas lui directement, il fait rencontrer les membres d'Abu Nidal par des agents de la DST de son équipe. À l'époque, les membres d'Abu Nidal, selon Yves Bonnet, ils ont trois demandes. La récupération des locaux de la librairie arabe sur Saint-Victor, l'installation à Paris d'un représentant permanent et la libération des deux meurtriers d'Azdin Kalak, qui était un représentant de l'OLP, assassiné à Paris. La seule chose, selon Yves Bonnet, qu'a accepté la DST, c'est que deux visiteurs du groupe Abu Nidal aillent en prison à Muret rencontrer leurs deux membres incarcérés. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'ils ont à gagner, ces membres de l'organisation d'Abu Nidal, à revenir en France et pour aller ailleurs, après tout? Je pense qu'ils étaient à l'époque certains installés en France et ils avaient très certainement des intérêts en France. Et c'était peut-être pour eux une porte d'entrée sur l'Europe. Alors, quel crédit accorder à cette confession tardive, 37 ans après les faits? Vous accordez du crédit puisque vous relayez cette information. On peut se demander pourquoi il dit ça maintenant. Est-ce qu'il cherche à défendre quelque chose lui-même? Qu'est-ce que vous avez pensé, vous? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Yves Bonnet avait déjà évoqué entre les lignes cet accord. Il l'avait jamais évoqué à la justice, mais il l'avait évoqué dans un livre écrit dès 2000. Il l'a évoqué au journaliste Patrick Rothman dans un reportage télévisé quelques temps avant, et enfin devant le juge d'instruction. On peut estimer que quelqu'un qui répète trois fois les mêmes choses à des journalistes, les gens ont le droit de mentir à des journalistes, mais mentir à un juge c'est plus compliqué, donc on peut penser que ce qu'a dit Yves Bonnet au juge d'instruction est vrai. Alors la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que le pouvoir était au courant, le gouvernement, et allons-y, jusqu'à l'Élysée et François Mitterrand? Alors ça j'imagine que la réponse vous ne l'avez pas. On l'a plus ou moins dans les propos d'Yves Bonnet. Yves Bonnet, en fait, il dit que l'Élysée ne savait rien. Le « ne savait rien » est mis entre guillemets. Oui. Après, on peut en penser ce qu'on veut. C'est comme Greenpeace, quoi. Exactement. ce qu'il dit Yves Bonnet, c'est que Gilles Ménage, qui était à l'époque le directeur de cabinet de François Mitterrand, était au courant de tout. Après, est-ce que François Mitterrand était mis au courant? Ça, en tout cas, Yves Bonnet ne le dit pas clairement. Est-ce qu'on peut imaginer qu'une tractation pareille ait lieu aujourd'hui avec ceux qui nous assaillent, des derniers en date, Daesh par exemple? On imagine que ça peut pas être possible. En tout cas, quand on voit les réactions politiques, notamment à notre article, on peine à imaginer que ce serait possible aujourd'hui. Effectivement, tout le monde se dit scandalisé qu'on ait pu négocier avec des terroristes. On a du mal à imaginer que la DGSI aujourd'hui ou la DGSE le ferait de la même manière qu'à l'époque. Alors vous ajoutez dans votre article que cette affaire peut devenir une affaire d'État. Oui, bien sûr, on pense aux victimes. Vous pensez que si effectivement c'est vérifié, il y a risque de grand malaise aujourd'hui, 37 ans après les faits? Ça, franchement, je ne sais pas. Ce que j'ai vu, c'est qu'après notre article, il y a eu beaucoup de demandes. Gilles Legendre a dit que les députés LREM étaient favorables à faire la vérité sur cette affaire. Éric Ciotti a, je crois, écrit au président Macron pour lui demander des informations sur cette affaire. Je sais que des avocats des partis civils ont demandé la création d'une enquête parlementaire. Voilà, commission parlementaire, bien sûr. Donc voilà, après, est-ce que... il faut savoir aussi que beaucoup des protagonistes soit sont très âgés, soit décédés. Est-ce que ça aurait un impact réel? Ça, je n'en sais rien. Vincent Gautreloup, on va se retrouver dans quelques minutes et on va repartir dans l'année 82, dans le contexte de la France. Au début des années 80, il était difficile. Elle était une cible du terrorisme. On va voir ça après avoir écouté Hubert, Félix Thiéphaine, Les Dingues et Les Paumés. leurs monstres crient trop près de la sortie. Ils accouchent de scorpions et peur des mandragores. Et leurs aéroports se transforment en bunkers. À 4 heures du matin derrière un téléphone. Quand leur voix qui s'appelle se change en revolver. Et s'invite à calter en se gueulant comme les dingues et les poupées se cherchent sous la pluie. Se font boire le sang de leur vision perdue. Et dans leurs yeux mescales masquant leur nostalgie, ils voient se dérouler la fin d'une inconnue. Ils voient des rois fantômes sur des flippers en ruine, crachant l'amour folie de leur nuit métropole. Ils croient voir venir Dieu, ils relisent leur ligne et retombent dans leurs bras glacés de baby doll. Se traîne chez les Borgias, suivi d'un vieil écho jouant du rock'n'roll. Puis s'enfonce comme des rats dans leur banlieue by night, essayant d'accrocher un regard à leur cône. Et lorsque leur tomba joue à guichet fermé, ils tournent dans un cachot avec la gueule en moine. Et sont comme les joueurs courant décapités, ramasser leurs jetons chez les dealers du coin. Les dingues et les poules s'arrachent leur placenta et se greffent un pavé à la place du cerveau. Puis s'offrent des migales au bout d'un bazooka en se faisant danser jusqu'au dernier mambo. Ce sont des loups frileux au bras d'une autre mort, piétinant dans la boue les dernières fleurs du mal. Ils ont cru s'enivrer des chants de mal d'aurore. Et maintenant ils s'écroulent dans leur ombre animale. Les dingues et les paumés sacrifient Don Quichotte sur l'autel enfumé de leurs fibres nerveuses. Puis ils disent à leur reine en riant du boycott: la solitude n'est plus une maladie honteuse. Reprends tes valkyries pour tes valseurs mazo. Mon cheval écorché m'appelle au fond d'un bar. Et cet ange qui me gueule, viens chez moi mon salaud, m'invite à faire danser l'aiguille de mon radar. Vincent Gaudronneau, au moment de l'attentat de la rue des Rosiers, après celui de la rue Marbeuf et avant d'autres, la France en ce début des années 80 est une cible du terrorisme international, notamment proche-oriental, on peut le confirmer, ça c'est un fait historique. Oui, depuis la fin des années 70, effectivement, la France est ciblée. En 74, il y a l'attentat contre le peuple Saint-Germain à Paris. En 75, Carlos exécute deux officiers de la DST. Il y a une bombe qui est placée dans un train Paris-Toulouse en 82. Donc oui, la France est une cible. Le Fatah CR, enfin, Abou Nidal, commettra plusieurs actions en France, hein, notamment des assassinats ciblés. Donc oui, la France est clairement une cible à cette époque. Et pourquoi elle est une cible ? C'est difficile à dire, mais je pense que la France était impliquée dans beaucoup de choses au Proche-Orient. Ouais, et notamment l'attentat du Liban contre la caserne Drakkar en était aussi une illustration tout à fait dramatique. Alors, la France est une cible, on l'a dit, de plusieurs natures, bien que la piste proche-orientale soit immédiatement privilégiée, et ce qui est encore le cas pour l'attentat de la rue des Rosiers. Et pourtant, l'enquête à cette époque-là piétine. Pourquoi elle piétine alors que la cible, la direction vers laquelle il faut tourner ses yeux, elle semble évidente? Déjà, la France ne met effectivement pas beaucoup de temps à mettre Abou Nidal comme protagoniste principal de cet attentat. Mais il y a quelque chose qui est intéressant, qui a été écrit par mon collègue, qui a eu une victime au téléphone, c'est qu'il y a une caissière du restaurant à l'époque qui explique que la première fois qu'elle a été entendue par la police, c'est en 2018. Elle n'avait jamais été entendue avant. Pourquoi, c'est difficile à dire, mais elle s'en étonne en tout cas. Mais la première fois qu'elle a été entendue, c'est en 2018. Et il y a eu beaucoup de temps, effectivement, vous en parliez dans le sujet plus tôt, avant que Marc Trévidic obtienne des noms, obtienne des extraditions. Pourquoi ça a pris tant de temps, c'est difficile à dire. Alors, qu'est-ce que vous inspire aussi cette revendication d'action directe? Enfin, ça montre aussi que effectivement la France était dans l'œil du cyclone. Elle avait ses terroristes intérieurs, si je puis dire, action directe. Puis il y avait les autres. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est vrai que c'est étonnant. Ça a pas duré longtemps. Hein. Très vite, action directe a dit autant pour nous. ça, nous n'en sommes pas responsables. Il y a eu ensuite effectivement la piste des Irlandais de Vincennes aussi, qui ont été accusés par l'antiterrorisme avant d'être mis hors de cause. C'est ce qui est bien dit dans le reportage. C'est finalement les balles retrouvées rue des Rosiers qui vont permettre aux enquêteurs d'avoir la conviction qu'il s'agit d'Abou Nidal parce que c'est les mêmes armes utilisées par le groupe terroriste en général dans ces attentats. Alors, en 2002, Abou Nidal, le terroriste et cerveau présumé de l'attentat de la rue des Rosiers, meurt dans des circonstances mystérieuses. On ne l'imaginait pas mourir autrement, ça l'a dit, hein, vu son parcours, et sans avoir été inquiété dans cette affaire. Écoutez ce qu'en dit Françoise Rudzetski, présidente de SOS Attentat. Abou Nidal a bénéficié tout au long de ces dernières années de protection. Il s'est rendu dans plusieurs pays qui n'ont jamais accepté de l'extrader. Ça pose une nouvelle fois le problème de la coopération judiciaire internationale et de la volonté réelle des États que soient jugés des terroristes. Dans les dossiers, on sait, on avait un petit peu, avec le juge Brugger, suivi son parcours, mais à un moment donné, il a été en Égypte, et là, je ne comprends pas bien, parce que aujourd'hui, l'Égypte dit participer à la lutte contre le terrorisme. Là où je m'étonne plus, c'est que des pays comme ceux-là ne nous aient pas extradés à Abou Nidal, mais vous savez, la Grande-Bretagne ne nous extrade pas Rachid Ramda, responsable et financier supposé des attentats de 95. Et le 1er octobre, le procès va s'ouvrir de ces attentats et Rachid Ramda sera jugé par contumace. Donc, il ne faut pas jeter la pierre qu'à l'Irak ou l'Égypte. Même en Europe, les pays ne sont pas prêts à lutter contre le terrorisme et à procéder à une coopération judiciaire réelle. Voilà, on va y revenir sur cette coopération judiciaire, ce manque de coopération judiciaire, puisqu'on a entendu Françoise Rudzetski. Je rappelle que le 9 août dernier, il y a eu un rassemblement en mémoire des victimes, organisé donc à Paris, des victimes de l'attentat de la rue des Rosiers, et des survivants ont témoigné encore et ont témoigné dans les colonnes de votre journal. Et je voudrais citer celui d'Elisabeth, elle s'appelle Elisabeth, survivante de la tuerie. Elle dit « J'avais 38 ans et j'étais serveuse au restaurant Goldenberg. Donc le 9 août 82, j'étais derrière le comptoir. La première explosion, comme un bruit de pétard, s'est produite près de deux tables vides et du présentoir à gâteau. Elle est précise, ses souvenirs sont précis. Le carrelage s'est brisé, dit-elle, mais les vitres n'ont pas tremblé. C'était le signal pour que les autres terroristes entrent dans la salle et tirent. La caissière a crié « Sauvez-vous, cachez-vous » et Dieu m'a donné le réflexe de me cacher sous une planche où était entreposée de la vaisselle. Un terroriste est entré dans la plonge et a tiré sur deux autres employés dont l'une est restée paralysée. La fusillade m'a paru durer une éternité. J'ai pensé très fort à ce que deviendrait mon fils sans moi. Si les terroristes m'avaient vu, c'est évident, je serais morte. » On va parler dans quelques minutes de ce manque de coopération internationale et de ce manque d'extradition dont pourtant la justice française avait tant besoin. Collide. We'll wait for the crash. We'll never. flesh is sold. History drained my heart pained. Hands get dirty every time I touch gold. Ever secluded and way overguarded. Also idolized, over romanticized. So much to look at and so much to see. Can't wait to see you to get rid of me. Can I be on both sides? Will we ever collide? We'll wait for the crash, we'll never go back. I see you, I feel you, the perfect collapse. Can I be on both sides? Je vais continuer avec ce fil rouge, c'est-à-dire la parole de cette survivante, d'abord parce que cette parole est forte et elle nous enseigne beaucoup sur ce qui s'est passé. Vous lui posez la question, votre confrère du Parisien lui pose la question, comment vivez-vous depuis cet attentat ? Elle répond, elle s'appelle Elisabeth, hein, on vit avec une blessure morale. J'ai changé de métier pour devenir esthéticienne, mais je suis restée à Paris. Aujourd'hui, je suis retraité. Il faut savoir, poursuit Elisabeth, que c'est seulement en 2016 que je me suis constitué partie civile dans le dossier, après en avoir parlé à mon avocat, maître Avi Bitton. Ce n'est que fin 2018 que j'ai été entendu par la DGSI pour la première fois. Ça veut dire que, en 36 ans, la police ne m'avait jamais interrogé. L'enquête a été bâclée au départ, dit Elisabeth. Pourtant, je suis sûr qu'un client que j'ai servi était l'un des terroristes. Enquête bâclée au départ, peut-être a-t-elle raison. Et si c'est le cas, ça tient à quoi, selon vous ? Dans l'entretien de Yves Bonnet avec le juge d'instruction, il y a quelque chose qui saute aux yeux. C'est que l'entente n'avait pas l'air très bonne entre la DST et la police judiciaire qui était chargée de l'enquête à l'époque. Le juge demande rappelle à Yves Bonnet que durant le reportage de Patrick Rothman, un enquêteur de la brigade criminelle qui est à l'époque en poste, ainsi que Jean-Luc Bruguère, qui est aussi le juge chargé d'en faire, ont l'air de découvrir cet accord. Et lui répond tout simplement, ce n'était pas du judiciaire, notre activité n'était pas judiciaire, nous devions avant tout assurer la sécurité des Français. Sous-entendu, on n'avait pas donné ces éléments-là à la PJ. Il le dit même, pour le reste, c'était notre cuisine. Ben voilà, tout est dit. Alors, dernière chose, il y a des tueurs présumés qui courent... Oui, pardon. Et non, juste pour dire qu'aujourd'hui, Yves Bonnet assume cet accord. On lui a parlé et il le dit. Il dit très clairement, le but était d'assurer la sécurité des Français et il n'y a plus eu d'attentat suite à cet accord. Oui, et il assume parce qu'il n'y a plus d'attentat. Voilà, il assume en tout cas la réussite de cet accord tout en disant qu'il comprend aussi que les familles peuvent avoir du mal à le comprendre. Bien sûr, rapidement, les assassins, parmi les assassins courent toujours, en Norvège, dit-on, dans les territoires palestiniens, en Jordanie. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à les extrader de la part de la Norvège et de la Jordanie, par exemple? C'est ce que disait bien votre intervenante un petit peu plus tôt, c'est la difficulté de coopération internationale. Pour la Jordanie, la personne a été arrêtée, la personne réfugiée en Jordanie a été arrêtée, a comparu et la Cour de cassation jordanienne a rejeté la demande d'extradition, estimant que cette arrestation dépassait le délai de prescription. Voilà, donc fermez le banc. Merci infiniment Vincent Gautrenot pour tous ces éclairages et ces précisions autour de la révélation du mois d'août dernier de Yves Bonnet, ancien chef des services secrets. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'attentat de la rue des Rosiers, une émission que vous pourrez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Bien sûr, rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission, livres, références et vos commentaires si le cœur vous en dit. Merci à Clément Vuillet qui était à la technique aujourd'hui et merci, puisque nous sommes jeudi, à toute l'équipe qui a préparé les affaires sensibles de cette semaine. Rédaction, recherche, documentaire, Margot Pinel, Jeanne Maillard, Adrien Cara, Adrien Mora, attaché de production, Valérie Priolet, coordination, Christophe Barrère, programmation musicale, Muriel Pérez, réalisation, Koyen Guyenne, Jérôme Chelius, Benjamin Riquet.